France Inter, franceinter.com. Elles s'appelaient Mademoiselle Neige ou Mademoiselle Pleine Lune. Elles étaient belles, délicates, élégantes, raffinées. C'étaient pourtant de redoutables terroristes qui ont longtemps tenu en haleine les polices du monde entier. Et Neige, qu'on nommait aussi la Reine Rouge, n'a été arrêtée qu'en l'an 2000, après 30 ans de clandestinité. Toutes deux, et bien d'autres, étaient des militantes du Nihon Sekigun, c'est-à-dire l'armée rouge japonaise, une organisation révolutionnaire qui, à partir du début des années 70, a perpétré des dizaines d'opérations terroristes de toute nature, comme les brigades rouges italiennes, la fraction armée rouge allemande et, dans une moindre mesure, Action directe en France, ou les cellules communistes combattantes en Belgique, l'armée rouge japonaise est née des révoltes étudiantes de mai 68. Un mouvement de contestation inspirée par le marxisme qui a traversé les continents puisque, aux États-Unis aussi, les campus ont flambé. Mais au Japon, à cause des traditions locales et également d'un passé récent particulièrement violent, cette rébellion a pris un caractère original et internationaliste. C'est ce qui a surtout retenu l'attention de M. X. Cela est l'histoire si étrange de Fusako Shigenobu, cette terrible Reine Rouge. Kumo o oikakete oka okake noboru Asa no michi Jitensha nakama no wanpaku gonin ga akogareru hito wa あ、ポレット。彼女の前では誰もが大人の。振りして見えない天使の羽つけて走る水平線まで。あ、ビシクレット。 配るパパを追いかけて長い道自転車乗りなら八つの時から誰にも負けないアポレットみんなで自転車投げ出し無邪気に Asobeba Chocho ya batta ya kaeru no tobidasu Kawa no otori made A bicicleta しそうな戻り道 仲間にはぐれて疲れてまどろむ触れてはならない。アポレット初めて重ねたその手のぬくもり、いつまでも君と二人なら行けるとこはない、どこまでもずっと I'll be secret。 Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Tout le monde s'accorde à dire que le Japon est l'un des pays les plus sûrs au monde. Ouais, c'est en particulier à cause de l'existence des voyous, enfin des truands, des yakuza. C'est hein. Exact, ouais. Oui. Enfin, ces sociétés mafieuses, organisées de façon quasi féodale, contrôlent toutes les activités criminelles du pays. Les débordements sont donc rares et ne rejaillissent pas sur la vie quotidienne des citoyens. Ouais, et puis il y a cette sorte de consensus, il faut bien dire le mot, hein, entre mm-hmm. la pègre et les autorités. Oui, d'autant que les milieux politiques sont souvent pénétrés par les yakuza qui ont créé des associations patriotiques ou religieuses afin de dissimuler leurs véritables activités. La police même, si elle a récemment changé d'attitude, a donc longtemps toléré l'existence de ces mafias qui ont mis en coupe réglée des secteurs entiers de l'économie japonaise. Mais je n'insiste pas, puisque c'est un sujet que j'ai déjà traité. Je me souviens. Ouais. Si j'ai commencé par là, c'est que ce pays discipliné et policé, la soudaine irruption de l'armée rouge dans la vie de l'archipel a été ressentie comme un coup de tonnerre. Mais il y avait quand même des signes avant-coureurs, non ? C'est certain, et ça tient à l'organisation de la société japonaise. Alors, si vous m'y autorisez, bien sûr, un petit retour en arrière. Je vous en prie. Hein. Bon, dans les années d'après-guerre, et notez-le bien, c'est au cours de ces années-là que naîtront les futurs membres de l'armée rouge. Et le Japon est un pays dévasté et humilié. Puis en outre, il y a le traumatisme causé par les deux explosions atomiques hein, de Nagasaki et Hiroshima. Bah, évidemment. Les États-Unis, puissance occupante, entreprennent d'abord de démanteler l'appareil de guerre et l'économie de l'archipel. Afin de prévenir, hein, en tout cas c'est l'objectif, une éventuelle remilitarisation. Oui, oui, ils s'attaquent d'abord aux grands trusts industriels, les Aibatsu, ainsi qu'on les appelle là-bas, et qui contrôlaient la plus grande partie de l'activité économique. Oui, car c'était ces conglomérats hein, qui étaient largement responsables de la politique expansionniste du Japon. En même temps, les Américains obligent le vaincu à modifier de fond en comble son organisation sociale. Oui, il y a le droit de grève. Et la syndicalisation. Politiquement, ça se traduit par l'émergence d'un gouvernement de gauche. Bon, pour peu de temps. Quand que même. Se passe-t-il là ? La guerre froide. D'un seul coup, les États-Unis, représentés par leur proconsul, le général MacArthur, s'empressent de faire machine arrière, d'autant qu'un puissant parti communiste japonais a vu le jour. Et comment ça se traduit alors ? On va désormais restreindre les activités syndicales et procéder à des purges politiques, alors que les anciens criminels de guerre redressent la tête. On va même voir l'un d'entre eux, Nobusuke, occuper le poste de Premier ministre et remettre en cause les réformes les plus progressistes avec une grande brutalité. Ce qui provoque des réactions, enfin je l'imagine. Bah oui, de grandes manifestations, car s'ajoute à ces retours en arrière sociaux et politiques la renégociation du traité de sécurité entre Washington et Tokyo. Tokyo qui reste à l'abri du parapluie américain. Oui, et continue à héberger des bases militaires états-uniennes. Mais je vais essayer d'aller vite. Si dans les années 60, le Japon connaît une croissance remarquable... Oui, le miracle japonais. Oui, comme on en a parlé du miracle économique allemand. Et remarquez-le bien, il s'agissait des deux vaincus de la Seconde Guerre mondiale. Donc, économiquement, le pays fait un formidable bond en avant. Mais ce sont les hommes qui paient le prix de cette croissance échevelée. Les hommes qui sont pieds et poings liés par ces grands trusts qui ont retrouvé leur superbe. Une sorte de... Comment dirais-je, d'esclavagisme ? Bon, le mot est sans doute trop fort, mais c'est vrai qu'on n'en est pas loin. Et puis, il y a les bas salaires et les cadences de travail imposées aux ouvriers. Et encore, les dégâts écologiques provoqués par ces mêmes gigantesques trusts, sans que personne ne s'émeuve à part les victimes, bien sûr. Ouais. Oui, je me souviens, l'intoxication au mercure hein, des pêcheurs. Par exemple, oui. Ouais. En tout cas, voilà autant de faits qui ne peuvent que creuser la fracture sociale. Ah oui, vous aussi. Hein. Oh, bah, écoutez, je vous en prie. Alors, redevenons sérieux. La tension monte progressivement au cours de ces années 60. Et comme bien souvent, ce sont les étudiants qui vont donner le « la ». Dès 1965, à cause de l'augmentation des frais d'inscription dans une université de Tokyo, ils descendent dans la rue. Oui, et c'est forcément spectaculaire. En effet, vous avez certainement vu des images de ces manifestations. Les étudiants aux casques multicolores sont armés de longues perches de bambou et n'hésitent pas à attaquer frontalement les forces de l'ordre. On dirait du Kurosawa. Hein. Ou du Eisenstein. C'est toujours très violent. Les étudiants sont d'autant plus mobilisés qu'ils ont maintenant un autre motif pour manifester, comme nombre de leurs semblables du monde entier. Ah oui, oui, oui. Le Vietnam. Bien sûr. La guerre du Vietnam. L'opposition à la guerre américaine. Pour les étudiants japonais, le sujet est très sensible, car les États-Unis se servent du Japon comme d'une gigantesque base arrière. Ouais, pour leurs bombardiers B-52 en particulier. Et se mêle à tout ça en avril 1968 un scandale financier qui touche directement la plus grande université de Tokyo. Des cadres de l'établissement, qui regroupe 100 000 étudiants, sont accusés d'un considérable détournement de fonds. Une situation intolérable pour ces étudiants qui travaillent dans une université plutôt défavorisée par rapport à d'autres institutions du pays. Et cette malversation met le feu aux poudres. Oui, oui, l'université se met en grève. Et le mouvement est bientôt suivi par d'autres facs. Et que réclament les étudiants? D'abord, ils veulent en finir avec la corruption qui mine les universités. Et puis, comme leurs camarades français, ils exigent l'autogestion des établissements où ils étudient. Et plus généralement, ils refusent le formatage de la société japonaise qui aboutit à faire de chaque travailleur une sorte de machine humaine. Une fourmi, pour reprendre l'expression d'Éducation. C'est ça, oui. Les étudiants veulent donc avoir le droit à la parole et le droit de refuser le statut que le système leur impose. Mais sont-ils organisés? Ah, tout à fait. Il existe plusieurs syndicats qui se situent nettement à gauche, sinon à l'extrême gauche. Et c'est presque naturel, puisqu'ils ont été créés avec la collaboration de la principale et puissante centrale ouvrière, Zen Gakuen, elle-même issue de la Ligue des communistes. Mais il faut dire que la plupart de ces syndicats d'étudiants sont rétifs à tout embrigadement et se veulent autonomes. Et concurrents. Forcément. Mm-hmm. Les antagonismes sont latents. Et à part la grève, là, comment se manifeste-t-il? La grève, qui est assortie d'une occupation des locaux, mais la première action d'importance a lieu en octobre 1968. Des manifestants étudiants prennent d'assaut une gare située au cœur de Tokyo. Pourquoi une gare, là? Ils entendent paralyser les transports de combustible à destination des bases aériennes de l'US Air Force. Toujours le Vietnam, alors? Et les bombardements sur le nord ordonnés par le président Johnson. Cette revendication étudiante est donc très politisée. Hein. Oui, elle dépasse largement le strict cadre universitaire. Mais bientôt, c'est le chant du cygne. Au moins pour la contestation soutenue par les syndicats. Au tout début du mois de janvier 1969, après 6 mois d'occupation... C'est entre parenthèses, l'occupation de la Sorbonne n'a duré qu'un mois. Hein. Vous avez raison de faire la comparaison. Donc, après 6 mois, les autorités nippones décident de siffler la fin de la partie. Mais les étudiants qui sont retranchés dans l'université résistent, farouchement. Cocktails Molotov, bouteilles d'acide, projectiles divers, tout est bon pour bombarder les policiers. Cependant, malgré cette résistance... Les autorités ont le dernier mot. Les étudiants sont arrêtés par centaines et les policiers peuvent enfin pénétrer dans une université complètement dévastée. C'est un échec pour le mouvement étudiant. Oui et non. Et j'ai sans doute eu tort de parler de chant du cygne. Pour le syndicalisme étudiant, c'est certain. Par contre, la contestation, elle, est loin d'être éteinte. Et elle va engendrer ce qui s'appellera bientôt l'armée rouge japonaise. En tout cas, un peu comme chez nous, après mai 68, des graines ont été semées. D'abord, cette stigmatisation de la société de consommation et de l'embrigadement des travailleurs laissera des traces. Et puis, pour la première fois, des Japonais ont exprimé publiquement leur refus de considérer l'empereur comme un personnage tutélaire. Et quasi divin. Et ça signifie que tous ces jeunes gens en colère ont manifesté non seulement leur volonté d'en finir avec l'ordre ancien, mais aussi de dénoncer la complicité passive de leurs aînés qui ont laissé leur pays s'allier aux fascismes européens. Ces accusations sont d'autant plus pertinentes que les criminels de guerre japonais, à de rares exceptions près, n'ont jamais rendu de compte. Et en ce sens, la violence des jeunes gens répond à ce passé inavouable. Thank you. France Inter, rendez-vous avec X. Violence et non-violence au Japon. En 1974, le correspondant du Monde, Robert Guillain, procède à l'analyse suivante. Une première constatation s'impose, c'est que le Japon est un des pays les plus ordonnés du monde. On y vole et y cambriole moins qu'ailleurs. La possession d'armes à feu est strictement interdite. Les crimes comportant l'usage de ces armes sont rarissimes. On en dirait autant de la drogue, c'est un mal auquel le Japon a su échapper. Faut-il rappeler enfin le sentiment profondément pacifiste des Japonais depuis la guerre et Hiroshima ? La non-violence en politique extérieure est inscrite dans leur constitution. Mais le Japon est un pays de contradictions et d'ambivalences. Tout étranger qui y réside est frappé aussi par la présence très répandue d'une violence latente ou active. L'État et les citoyens semblent même l'enseigner et la cultiver à plaisir. Témoin ? Les sports martiaux, pratiqués ici avec des hurlements féroces, ou la télévision et ses batailles au sabre, spectacle chéri des Japonais, ou les hebdomadaires à bande dessinée, d'une violence choquante, mais lue par des millions de gens. Souvent d'ailleurs, la violence paraît. Le Japon explose aujourd'hui sur lui-même, quand l'industrialisation cause à l'environnement des dégâts sans équivalent dans aucun autre grand pays, quand ingénieurs et ouvriers défoncent les campagnes, rasent les collines, taillent dans les montagnes et assassinent les anciens rivages marins. C'est l'ancienne violence qui est là, tragiquement détournée vers le massacre de la nature. Quand la pollution a pu durer des années avant qu'on réagisse, c'est encore la vieille violence de jadis, l'empoisonnement du citoyen comme jadis, la blessure ou la mort du soldat, fait partie du prix à payer par chacun pour la puissance de la nation ou de la firme. Pour l'extrême gauche étudiante, les lendemains de la contestation de 1968 sont difficiles. Pour quelle raison ? Ce qui est en cause, c'est la violence, l'utilisation de la violence. L'épilogue de la contestation syndicale et ces images de guerre prises lors de l'assaut de l'université ont effrayé l'opinion publique. Et le mouvement y a incontestablement perdu une partie de son soutien populaire. Alors, certains effrayés vont s'éloigner, tandis que d'autres, au contraire, verseront dans la violence extrême. Une sorte de radicalisation. Oui, bon, alors simplifions. Issus de la Ligue des communistes, on voit surgir une nouvelle organisation qui prône ouvertement le recours à la lutte armée, c'est-à-dire la guérilla urbaine. C'est donc la naissance là, de l'armée rouge japonaise. Le Sekikum en japonais. Une structure qui affirme d'emblée qu'elle entend être partie prenante de la révolution mondiale. Elle le prouvera dans ses actes. Mais n'allons pas trop vite. Ah ben ça, bien entendu. Combien de militants vont rejoindre cette organisation qui revendique l'emploi de la violence ? Ben on estime alors qu'il existe un noyau dur qui comprend un peu plus d'une centaine de membres. Et puis autour, il y a des dizaines et des dizaines d'autres militants qui viennent de toutes les préfectures du Japon. Et j'imagine que ce sont essentiellement des jeunes gens. Bah, des étudiants, garçons et filles, mais aussi des jeunes qui viennent de milieux plus défavorisés. Et tous, naturellement, vont plonger peu à peu dans la clandestinité. Et quels sont leurs premiers actes alors ? Bah, c'est bien sûr la lutte contre la guerre du Vietnam qui les occupe en priorité. Ils équipent par exemple des voitures munies de haut-parleurs qui tournent à proximité des bases militaires états-uniennes et appellent les GIs à la désertion et à l'insoumission. Et lorsque certains soldats passent effectivement à l'acte, la Segikun leur vient en aide. En même temps, les militants perpètrent des sabotages contre le matériel militaire américain qui arrive au Japon. Ouais, mais enfin, c'est encore peu de choses tout ça. Ça ne va pas durer. L'étape suivante, c'est l'attaque de postes de police et de succursales bancaires. Ouais, des hold-up. Oui, hein. Oui, car l'armée rouge a besoin d'argent, bien sûr. Cependant, leur action la plus spectaculaire, c'est au printemps 70. Le détournement d'un Boeing de la Japan Airlines. C'est une sorte de première, ça. En effet. À ma monde, hein. À ma connaissance, aucun mouvement terroriste n'a encore utilisé cette méthode. Les Japonais vont faire école. Oui, en particulier chez les Palestiniens. Mais ce n'est pas un hasard, puisque l'armée rouge japonaise et des organisations palestiniennes vont bientôt lier leur destin. En tout cas, ce premier piratage revêt un aspect symbolique. Pourquoi ? Parce qu'en plein vol, les 8 membres du commando surgissent dans la cabine sabre à la main. Sabre à la main, comme des samouraïs. Exactement. Ils se réclament donc de... de cette tradition ancestrale du Japon. C'est certain, oui. Et concrètement, comment ça se passe? Les pirates obligent le commandant de bord à voler vers la Corée. Première étape, Séoul. Là, ils délivrent leurs otages. Puis, l'avion redécolle en direction du Nord. Oui, vers la Corée du Nord, alors. Oui, où ils sont accueillis comme des héros et bénéficient aussitôt de l'asile politique. D'ailleurs, la plupart de ces pirates resteront là-bas. La Corée du Nord sera désormais l'une de leurs bases, d'où ils pourront préparer et lancer des actions terroristes dans le monde entier. Mais au Japon même, comment a-t-on vécu ce détournement spectaculaire? Il est évident que cette action marque les esprits, mais elle provoque surtout la mobilisation de toutes les forces de police. Et assez vite, 200 membres de la Segekum sont arrêtés. Mais ça ne suffit pas à entraver durablement les activités de l'organisation. Et d'abord, parce qu'elle n'est pas centralisée. Cependant, l'armée rouge doit faire face à de nombreuses difficultés. Lesquelles? Il y a d'abord, comme dans tous les mouvements extrémistes, des dissensions. Les tenants d'un marxisme pur et dur prennent par exemple leur distance. Et puis surtout se pose un problème de direction de l'organisation, car certains des leaders faisaient partie du commando de pirates aériens. Et un autre dirigeant a été arrêté par la police. Alors, une première tendance d'inspiration maoïste voit le jour. À sa tête, on trouve un jeune homme de 26 ans, Tsuneo Mori, et une femme, Yoko Nagata, que tous ceux qui l'ont rencontré décrivent comme une fanatique et une hystérique. Alors, tête de cette tendance, il y a une double tête. Et ça ne se passera pas toujours bien entre ces deux chefs. En tout cas, ils sont d'accord pour imiter leur héros, Mao, et entreprendre leur propre longue marche. C'est-à-dire, Ils décident de gagner une zone montagneuse où ils comptent s'installer dans des chalets plantés dans la neige. Et attendez, que comptent-ils faire là, dans cette région désolée? Réfléchir et s'entraîner. Bon. Et combien sont-ils? Écoutez, au départ, je ne sais pas. Mais quand ils arrivent là-haut, après avoir échappé aux poursuites de la police, ils ne sont plus qu'une vingtaine. Et l'aventure va peu à peu virer au cauchemar. Pourquoi? Il y a d'abord les conditions d'hébergement, le froid, et puis bientôt la faim. Mais c'est surtout un véritable délire idéologique et collectif qui s'empare d'eux. Et ces paumés vont se déchirer au nom de ce qu'ils appellent la pureté révolutionnaire. Et ça ira jusqu'où alors? Jusqu'à la torture et au meurtre. Les militants, qui ne sont pas jugés assez purs ou politiquement trop tièdes, dont une jeune femme enceinte de 8 mois, accusée de dépravation sexuelle, seront battus. Puis abandonnés, nus, dans la neige, attachés à des arbres. C'est fou, ça. Ils mourront de froid. Évidemment. Et combien vont ainsi périr? Une douzaine. Une douzaine sur 20. Oui. Ouais. Et les survivants? Qui sont aussi les meurtriers. Ils seront capturés après un siège de plusieurs jours de leur chalet par un bon millier de policiers. Mori se suicidera un an après son arrestation. Quant à Nagata, elle sera condamnée à la peine de mort. Et depuis 30 ans, elle attend en prison son éventuelle exécution. 30 ans. Cette affaire a forcément frappé d'horreur l'opinion japonaise. Et la presse a réclamé à corps et à cri la liquidation d'une organisation capable d'engendrer de tels monstres. En tout cas, cette affaire épouvantable est tout à fait assimilable aux excès qui ont été commis par les gardes rouges chinois pendant la révolution culturelle. C'est exact. Oui. Et les chefs de cette tendance maoïste de l'armée rouge japonaise s'en sont manifestement inspirés. Mais vous avez parlé d'une autre tendance. Oui, un courant trotskiste et internationaliste. Le seul qui survivra et qui signera la plupart des actions d'éclat ou des méfaits de l'armée rouge. Attendez avant de poursuivre là. Est-ce que ce nouveau courant, la trotskiste, a condamné les pratiques coupables de l'autre? En effet. D'autant que l'égérie de cette tendance trotskiste comptait sa meilleure amie parmi les victimes des maoïstes. Alors, encore une fois, on trouve une femme à la tête de cette deuxième fraction de l'armée rouge. Oui, une certaine Fusako Shigenobu. Un personnage très emblématique qu'on va bientôt appeler la Reine Rouge. Qui va donc avoir une grande influence sur ses camarades. Oui, puis ce n'est pas anodin. Elle est très belle. Ah oui, alors donc très séduisante. Et vous le verrez, elle saura s'en servir et même en abuser. Alors, ce qui importe, c'est que la jeune femme a compris que l'action sur le sol japonais était vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que l'armée rouge n'était pas assurée de bénéficier d'un véritable soutien populaire. Par conséquent, la jeune femme pense qu'il lui faut trouver des partenaires à l'étranger. Partenaires pour mener des actions armées d'envergure. Et presque naturellement, elle envisage de rejoindre l'un des points chauds du globe, le Proche-Orient, et plus particulièrement le Liban. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le journaliste Michael Prasan a publié au Seuil l'un des ouvrages en français les plus documentés sur l'armée rouge japonaise sous le titre « Les fanatiques ». J'en extrais ces quelques lignes sur Shigenobu, la Reine Rouge. Né le 20 septembre 1945, Shigenobu grandit dans les quartiers pauvres de Tokyo en compagnie de deux frères plus âgés et d'une petite sœur. Son père, qui avait été instituteur dans le Kyushu, s'était engagé dans l'armée au début du second conflit mondial. La guerre achevée, il était revenu brisé et humilié par la défaite. Avant-guerre, il appartenait à un groupe terroriste ultranationaliste appelé la Ligue des Frères de Sang. À sa fille, Shigenobu père inculqua des valeurs qu'elle devait garder tout au long de son existence. L'importance suprême des convictions personnelles, l'engagement, la foi dans l'autorité et les vertus de l'instruction. Fusako vécut très mal son enfance miséreuse malgré l'amour et le respect qu'elle pouvait avoir pour son père. Elle lui tiendra rigueur de ses frustrations au cours des années difficiles d'adolescence. Plus tard, parce que tout lui avait manqué dans sa jeunesse, elle mettrait un point d'honneur à se vêtir avec une constante élégance et un raffinement qui la distinguerait des autres femmes révolutionnaires de sa génération. Se sentant discriminée à l'école du fait de sa pauvreté, elle déclarera plus tard avoir mûri, pendant l'enfance, un profond sentiment d'injustice et une immense colère. Dans son quartier, Fusako côtoyait des hommes jetés à la rue dans leur uniforme de l'armée, contraints de s'adonner à la mendicité. Cette image, où la misère rejoint l'humiliation des vaincus, devait forger sa soif de revanche. Pourquoi plus précisément ce choix du Liban ? Shigenobu a estimé, c'est elle qui l'a affirmé, que le combat des Palestiniens qui résistaient à l'oppression israélienne était l'expression même du combat contre l'impérialisme. Un combat révolutionnaire. En outre, le Liban offrait deux autres avantages aux yeux des militants de l'armée rouge. D'abord, entre le Liban et le Japon, il n'existait aucun traité d'extradition. Puis ensuite, le Liban, du début des années 70, permettait aux commandos palestiniens de s'entraîner militairement. Ce que ne pouvaient pas faire les membres de l'armée rouge au Japon. Bah, bien entendu. La Reine Rouge prend donc la direction du Liban. Elle est accompagnée de son mari. Parce qu'elle a trouvé le temps de se marier. Bah, pourquoi pas. Alors, vous allez le voir, cela ne l'empêchera nullement d'avoir de nombreuses aventures. Et d'ailleurs, bientôt, Shigenobu enverra ce mari à la mort. Oui, c'est-à-dire alors. Bah, il sera l'un des trois membres du commando de Lod. Lod, l'aéroport israélien. Oui, une mission suicide. Et il participera au massacre avant d'être abattu. Mais revenons un instant sur les mœurs très libres de la belle Shigenobu. Elle a une liaison avec le leader palestinien George Habash. Et ça, c'est le leader du FPLP. Oui, hein. Une des tendances les plus radicales du mouvement palestinien. Et Habash est vraisemblablement le père de la fille de la Reine Rouge. Mais d'autres Palestiniens auraient également bénéficié des faveurs de Shigenobu. Il faut dire que la jeune femme n'a jamais eu froid aux yeux, si j'ose dire. Oui. Militante révolutionnaire, elle assurait ses fins de mois en étant hôtesse dans les bars de Tokyo. Et il se dit qu'elle se serait aussi prostituée. Vous ne m'avez pas habitué à ce genre de ragot. Écoutez, je ferai remarquer que j'ai utilisé le conditionnel. Ouais, soit. En tout cas, si je vous ai bien compris, elle est très bien accueillie par les Palestiniens. Elle et les siens, oui, car elle n'est pas venue seule. Mais si elle est aussi bien acceptée, c'est qu'elle apporte une sorte de rage de se battre, propre aux membres de l'armée rouge. Une rage qui va jusqu'au suicide. Ça, c'est la tradition des kamikazes. Hein. C'est ça, une notion complètement nouvelle pour les Palestiniens. Et en ce sens, on peut considérer que Shigenobu est malheureusement la pionnière des missions suicides dans les actes de terrorisme. Et on en voit aujourd'hui les terribles effets quotidiennement en Irak ou en Afghanistan. Un kamikaze, selon la morale samouraï, se glorifie en mourant pour la cause qu'il défend. Ça signifie que, d'un point de vue mystique et même esthétique, la mort volontaire l'emporte sur la vie. Et très vite, les Japonais passent aux actes. Alors, il y a cette tragédie de Lod en 1972. Oui, oui, c'est trois hommes qui ouvrent le feu au hasard sur la foule des touristes qui se trouvent dans l'aéroport. Il y aura 27 morts. Et seul, un des terroristes sera capturé vivant. Une action qui frappe de stupeur le monde entier. Oui, parce qu'on se demande pourquoi des Japonais prennent fait et cause pour des Palestiniens. Et d'une façon aussi aveugle et terrifiante. D'autre part, ce qui fait très peur, c'est que ce massacre n'est que le début d'une série d'actions terroristes qui vont se produire un peu partout dans le monde. En 1973, par exemple, des membres de l'Armée rouge, accompagnés par des militants du FPLP, s'emparent d'un avion de ligne japonais au-dessus des Pays-Bas. Le Boeing est dérouté vers la Libye, où les pirates libèrent leurs otages avant de faire exploser l'appareil. La Libye, ouais, où ils sont bien reçus. Hein. Même si officiellement Kadhafi condamne ce détournement. C'est ce que valent les... Enfin, bon. Mais les preneurs d'otages ne seront jamais jugés et regagneront leur refuge libanais. Un peu plus tard, nouvelle action. Des terroristes de l'armée rouge japonaise attaquent une raffinerie de la Shell à Singapour et s'emparent de 5 otages. Simultanément, un commando du FPLP investit l'ambassade japonaise du Koweït. Dans les deux cas, après de nombreuses péripéties et à l'instigation du gouvernement japonais, les autorités locales ont fini par donner en partie satisfaction aux terroristes. Des terroristes qui ont touché des rançons et obtenu des sauf-conduits pour le Yémen ou la Corée du Nord. Sans qu'aucune action armée n'ait été tentée contre eux. Eh oui, c'est la vérité. Car depuis le massacre de Lod, on sait que les terroristes n'hésiteront pas à tuer leurs otages avant de se supprimer. Ce qui inquiète surtout les autorités du monde entier, c'est qu'il existe désormais un réseau international qui a pour objectif d'exporter le terrorisme et de soutenir toutes les révolutions. Tant l'Europe semble être relativement épargnée. Pas pour longtemps, bien au contraire. Il semble que Shigenogu a choisi de faire de Paris une sorte de plaque tournante. C'est d'autant plus nécessaire que les relations de l'armée rouge avec les Palestiniens du FPLP se sont refroidies et que la Reine Rouge a établi son nouveau quartier général à Bagdad. Pourquoi ce refroidissement-là ? C'est très simple. Pour Shigenogu, ce qui compte, c'est la révolution mondiale. Les Palestiniens, au contraire, ont une priorité, la lutte nationale contre l'État hébreu, d'où ses dissensions. Alors vous parliez de Paris, là. Paris, oui, ville cosmopolite, a été jusque-là peu frappée par le terrorisme. Non sans raison. Shigenogu estime donc que la surveillance policière y est moindre. Et elle y implante donc une cellule de l'armée rouge. On y trouve un professeur, spécialiste de littérature française, deux cinéastes japonais, membres d'un mouvement avant-gardiste, et enfin une vendeuse qui travaille dans un magasin de touristes de l'avenue de l'Opéra. Japonaise, elle aussi ? Petite Lune, c'est la traduction de son nom. Occupe une position privilégiée car son emploi lui permet de fréquenter de riches japonais. Quel intérêt, là ? L'organisation terroriste envisage des enlèvements. Mais toute cette belle organisation va bientôt s'effondrer. Que se passe-t-il ? Un des militants est arrêté à Orly. Il vient de Beyrouth et les policiers de la DST trouvent sur lui de la fausse monnaie et des plans d'attaque contre des ambassades japonaises et de grandes entreprises. Il y a aussi un message adressé à Mademoiselle Petite Lune. C'est délicieux. Et les policiers remontent la filière. Et découvrent chez Petite Lune du matériel post-émetteur, appareils photo perfectionnés, faux papiers qui ne laissent aucun doute sur ses coupables activités. Et tout ce petit monde est expulsé du territoire français. Mais la riposte de l'armée rouge ne tarde pas. En septembre 1974, 2 mois après, un commando japonais attaque l'ambassade française à La Haye. L'ambassadeur et 10 autres personnes sont prises en otage. Les terroristes ont des revendications. Oui, ils exigent la libération de leurs camarades arrêtés à Orly, le versement $1 million et la mise à leur disposition d'un avion de ligne. Et les négociations, comme d'habitude, s'engagent. Oui, mais elles sont très difficiles, d'autant que les gouvernements français et hollandais ne sont pas sur la même longueur d'onde. Paris optant pour la fermeté et La Haye plaidant pour la souplesse. Cependant, c'est un invité de dernière heure qui va décider de la suite des événements. Qui c'est celui-là ? Carlos, le célèbre Carlos. Afin de faire pression sur les autorités françaises, il fait exploser une grenade dans le drugstore de Saint-Germain-des-Prés. 2 personnes sont tuées. Alors, Carlos avait parti lié avec l'armée rouge japonaise. Oui, ce qui montre bien que Shigenogu avait réussi à regrouper, sinon fédérer, un certain nombre de noyaux révolutionnaires. D'ailleurs, il était prévu que Carlos soit présent lors de l'assaut contre l'ambassade de La Haye. Mais les Japonais étaient en retard et Carlos, prudemment, avait préféré regagner Paris. Et cette affaire de La Haye, alors, comment ça se termine ? Finalement, on cède aux terroristes. La rançon est simplement ramenée à $300 000. Les terroristes ont donc gagné une fois de plus. Même si après leur atterrissage en Syrie, Damas leur confisquera l'argent de la rançon. En tout cas, il ne fait nul doute qu'ils se sentent encouragés. Et ils vont multiplier les coups de main et entretenir des relations avec nombre de guérillas. En Asie du Sud-Est, aux Philippines et surtout en Amérique latine. Dans les années 90, ils sont ainsi associés à l'interminable prise d'otages de l'ambassade japonaise au Pérou. Mais petit à petit, on notera un changement de tactique. Aux actions spectaculaires, comme les prises d'otages, ils vont préférer les attentats à l'explosif. Voitures piégées, bombes à retardement, etc. Et Shekinogu est toujours là. Bien entendu. La Reine Rouge n'a pas d'ételé, bien au contraire, même si les aléas politiques l'obligent souvent à déménager son quartier général. Cependant, ce qu'il faut noter, c'est que de plus en plus, et sans doute pour des questions financières, l'Armée Rouge devient une sorte de structure mercenaire. C'est-à-dire qu'elle va agir pour d'autres? Des États, la plupart du temps. Ainsi, c'est pour le compte de la Corée du Nord qu'elle posera une bombe dans un avion de la Korean Airlines en 1987. Bilan, 115 morts. Elle procède aussi à de nombreux attentats explosifs contre des ambassades occidentales. Le dernier d'entre eux à Naples, cause de la mort de 4 personnes. C'est aussi l'Armée Rouge qui sera impliquée en 1986 dans l'assassinat de notre attaché militaire à Beyrouth. Encore du mercenariat ? Vraisemblablement, car il semble bien que dès cette époque, l'Armée Rouge a noué des contacts avec des mouvements islamistes, comme le Hezbollah. On en aura la preuve en 1994. Ce sont des membres de l'armée rouge japonaise qui entraîneront dans la vallée de la Beka des milices pro-iraniennes, entraînement au maniement des explosifs et à la pratique des arts martiaux. Cependant, la conjoncture internationale leur est de plus en plus défavorable. Et puis à la chute du mur, c'est ça? Essentiellement. Ouais. Et puis les militants, qui ne sont plus qu'une poignée, tombent les uns après les autres. Et Shiganogu, elle-même, va finir par baisser les bras. Après avoir peut-être participé à cet assaut dont je vous ai parlé contre l'ambassade japonaise à Lima, elle aurait rejoint les trop célèbres FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes. Qui détiennent toujours Ingrid Betancourt. Entre autres, oui. Puis la Reine Rouge a disparu dans la nature. Jusqu'en l'an 2000, date à laquelle on l'a retrouvée au Japon, vivant sous une fausse identité. Elle avait le mal du pays? Pourquoi pas? Arrêtée, puis condamnée à 20 ans de réclusion, elle a osé déclarer avec le sourire qu'elle dissolvait l'armée rouge japonaise. Un dernier mot. En 2001, elle a publié un ouvrage destiné à sa fille. Ah, la fille de Georges Abache, donc. Oui, son titre. « J'ai décidé de te donner la vie sous un pommier. » Mais la poésie et le terrorisme peuvent-ils faire bon ménage? Je vous rappelle l'excellent ouvrage de Michael Prasant, « Les fanatiques », paru au Seuil. À samedi prochain, sur franceinter.com, vous aurez la possibilité de réécouter cette émission et même de la podcaster pendant une semaine. Merci à Michel Billou, Rebecca Denante, Ilinka Negulisco et Monsieur Djoub.